qui d'abord vous demande un grand secret. Je vous en fais serment, madame, usez de moi comme il vous plaît. Si c'est votre caprice, je mourrai de mon cœur pour vous rendre service. Vous vous exprimez bravement à la ville, assurément. On parle d'un autre style. Oh, je n'ai rien d'un courtisan, je suis presque un paysan qui ne connaît. Ma pauvre vieille.